de la fenêtre. Le ciel est rempli d'étoiles, mais une seule brille pour moi, c'est la tienne que je regarde, me faisant penser parfois que trop de personnes se cherchent encore une voix, une étincelle, des questions inutiles. Au lieu de faire ce qu'il y a de mieux, c'est d'aimer tout donner pour y arriver. Partager, je ne crois pas à tous vos mensonges. Comme malhabile, je suis désolé de ne pas être à l'aise, ce n'est pas facile, trouver les mots adéquats.